On va parler des voyageurs de ville Saguenay. Au Saguenay, c'est vraiment un buzz. Il y a des assistances vraiment exceptionnelles. On monte vraiment dans les premières années des voyageurs où ce qu'on a eu autant de monde. Question de savoir davantage comment ça se passe chez les voyageurs. À quelques heures du début de la finale, on rejoint l'instructeur chef, le gérant des voyageurs de Jonquière, Robert Fatah. Salut, Robert. Salut, ça va bien, ça va bien. Robert, avant de parler de vos adversaires, les Aigles de Trois-Rivières, si on revenait un petit peu sur cette série-là contre Saint-Eustache, ça a été un match vraiment, ça a été une série quand même où les voyageurs ont pris les devants 3-0 rapidement, et ça a été 3-2, puis ça a failli être 3-3. Les Bisons ont vendu chèrement leur peau, là. Oui, exactement. T'as bien raison de dire que les Bisons ont vendu chèrement leur peau. C'est pas pour rien qu'ils ont terminé deuxième au classement général. Je me rappelle bien, je crois qu'ils ont juste perdu 12 ou 13 matchs cette saison. C'est une équipe qui comptait deux lanceurs qu'on peut qualifier de numéro un, puis une équipe avec beaucoup de profondeur aussi au monticule, mais... on a fait ce qu'on avait à faire au bon moment, puis on était capable de terminer ça. Comment t'expliques le succès de cette formation cette année? Les voyageurs qui ont fini avec 20 victoires au cours de la saison, puis finalement, vous ramassez en demi-finale. Comment t'expliques ça? Ben, la première des choses, tu sais, je l'avais dit en début d'année, que probablement que c'était la meilleure équipe défensivement depuis que j'étais au Saguenay. Okay. Les 20 victoires, ils ont la première des choses, c'est qu'on a perdu notre quatrième frappeur en Chris Stanford, qui est notre receveur numéro un durant toute la saison. Et on est quand même une équipe où est-ce qu'on a eu 171 matchs de perdus par blessure à des joueurs individuels. D'après moi, je pense que c'est un record ça aussi, là, sur une saison de 50 matchs. On a eu beaucoup, beaucoup de blessures cette année, des blessures à des joueurs clés, importants. Fait qu'on n'a jamais été capable de se faire vraiment justice. Juste te dire, dans la première série contre Granby, le premier match de la première série, c'est le troisième match de l'année où est-ce qu'on joue avec une équipe complète. C'est sûr que ça aide pas non plus. Ah, exactement. Ouais. Il y a des assistances au stade Richard-Demeul à faire envier beaucoup de monde. On a eu 1060 personnes l'autre jour, 1500 l'autre jour. Il me semble que du baseball comme ça, en plein mois de septembre à Jonquière, ça fait rêver certainement les autres équipes d'avoir une assistance aussi bonne. Ben, oui, ça les fait rêver, mais je veux dire, c'est un travail aussi d'une longue haleine. C'est pas arrivé d'un coup. Au cours des dernières années, on a commencé à bâtir une équipe gagnante. Je veux dire, au Saguenay, en Syrie, on a commencé à jouer avec beaucoup d'enthousiasme. Puis la foule a bien embarqué dans tout ce procédé-là. Puis cette année, on a joué devant 1500, on a joué devant 1936 mercredi dernier. Puis il y avait 1200 au dernier match samedi, mais il faut montrer aussi que toute notre population parle du match. L'équipe de la région est à l'extérieur en championnat provincial. C'est pour une famille, là, quelqu'un leur passait après 400 personnes qui n'étaient pas disponibles pour venir au match, étant donné que les catégories atomes, c'est que oui, et tout de suite. OK. Robert, aussi, il faut dire aussi que le sport-études, ton programme que tu as mis sur pied il y a à peu près 5 ans, avec des joueurs natifs de la région, ça aide pour la foule, hein? Oui, bien écoute, le sport-études, cette année, va arriver à cette année la plus grosse, avec 51 joueurs en sport-études, sur un bassin de 650-700 jeunes qui jouent au baseball, en fait, de pourcentage, c'est le... Ça donnerait le plus gros sport-études au Québec. Et puis oui, on tourne dans la deuxième génération de joueurs là, qui ont commencé avec moi le sport-études en 2008. Les Fred Girard et Derek Côté ont été les premiers l'an passé. Là, on a des gars comme Mathieu Tremblay, Jean-Michel Tremblay qui se greffent à l'équipe. Fait que, tranquillement, pas vite, ça ramène, on était 6 joueurs locaux présentement, puis d'après moi, l'année prochaine, l'équipe va monter à 8-9 joueurs de représentation locale. Ça veut dire que c'est une bonne chose, ça aussi, ça doit faire au-dessus d'une bonne quinzaine d'années. Effectivement. Robert, si on parlait maintenant des Aigles de Trois-Rivières, seulement 8 défaites de la saison, c'est une grosse machine. Comment tu anticipes ça? Ben écoute, sans tomber dans le cliché là, de dire un match à la fois, il va falloir que plus qu'on va jouer de matchs serrés avec, avec Trois-Rivières, meilleures nos chances vont y être, parce qu'on va pousser l'équipe de Trois-Rivières à aller dans sa relève. Et puis, bon, c'est sûr qu'eux, ils doivent se dire la même chose aussi. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un autre lanceur en Jean-François Dionne. Je fais un peu le parallèle avec Joe Paquette qui lançait pour les Diamants de Québec l'an passé. Il va falloir pousser, nous, de notre côté, le plan de match, de garder Dionne dans des pointages serrés, de l'emmener toujours très loin dans les manches 6-7, là, pour que ça devienne difficile d'aller chercher un côté de fatigue de sa part. Puis si je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on va être capable d'avoir du succès, parce qu'il va falloir qu'on réussisse à battre Dionne au moins une fois dans la série, si on veut espérer aller. C'est une équipe aussi qui possède une attaque dévastatrice, hein? Ouais, ben ils ont fini premier dans la ligue côté attaque, on a fini troisième. Ouais. Fait que il va falloir qu'on soit méfiant à ce niveau-là. Là. Ils ont beaucoup de frappeurs là. Quand on parle de profondeur line-up, là, même que. Est-ce que t'es là? Robert, est-ce que t'es là? Faut qu'on soit vigilant. Il va falloir qu'on soit vigilant, puis c'est d'éviter les buts sur balle. Ben, Robert, on t'a perdu pendant à peu près 5 secondes. Est-ce que tu peux répéter ce que tu ta réponse? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont une attaque qui est très puissante aussi. Quand on tombe dans les frappeurs, il n'y a pas de repos. Fait que pour nous, la clé, là, ça va vraiment être d'éviter de donner des buts sur balle à l'adversaire. Je pense que notre défensive est très bonne. C'est laisser les joueurs jouer derrière là, puis être capable de ramasser des retraits. Écoute, les deux terrains là, au niveau de la surface, là, ça ressemble beaucoup. Fait que je pense pas que ça va être une grosse adaptation là, de passer d'un terrain à l'autre. Est-ce que le moral des troupes est quand même. Doit sûrement être l'équipe doit être gonflée à bloc actuellement? Oui, le moral des troupes est très bon. Là. On a quand même les deux dernières journées. J'ai annulé les entraînements parce que des fois c'est préférable un repos est aussi bénéfique qu'une journée d'entraînement. On avait tous des petits bobos à guérir à droite puis à gauche, puis je pense que tout le monde a bien hâte de sauter sur le terrain. Ben Robert, on va te souhaiter la meilleure des chances. On écoute ça à la radio. Je pense que le match est à CKJ, la station que je collabore, donc on écoute ça avec Dominique Bolduc. Je pense à compter de 19h30, c'est ça? Exactement, 19h30. Et oui, effectivement, les quatre premiers matchs de la série demi-finale sont à la radio. Effectivement, sur les ondes de CKJ, la station que je collabore. Ben, Robert Fatal, on va te souhaiter la meilleure des chances. On s'en parle bientôt à la fin de la série. Hey, merci le gérant des Voyageurs de Ville-Saint-Denis, Robert Fatal.